Je voudrais dans un premier temps remercier la librairie Oberlin qui nous accueille ce soir pour cette conférence thématique autour du livre Bible or Not Bible, pourquoi lire la Bible. Cet événement s'inscrit dans le cadre de Bibliothèque Idéale, qui est organisé, je crois, en lien avec la municipalité de Strasbourg. Et donc, voilà, il y a des échos de voix. Et donc, par conséquent, ce soir, nous sommes là pour évoquer, en présence de François Claveroli, pasteur de l'Église protestante unie de France et récemment élu président de la Fédération protestante, et Alain Joly, qui est également pasteur de cette même union d'Église et qui, lui, est pasteur de la paroisse de Paris, la paroisse des Billettes, ce livre autour de la Bible. Et alors, ce que je voudrais ajouter également, c'est que ce livre sort, coïncidence avec l'événement qui va avoir lieu à Paris ce week-end, qui s'appelle Protestants en fête, et c'est une coïncidence heureuse, on n'avait pas calculé, et que du coup, c'est une occasion supplémentaire pour nous protestants d'évoquer ce qui est constitutif de notre identité à la fois spirituelle et sociologique, la Bible. Alors, je sais que dans cette union d'Église récemment constituée, il y a plusieurs familles, la famille réformée, la famille luthérienne, les familles évangéliques, et que cette volonté commune d'arriver à faire en sorte que pour l'essentiel, ces églises soient autour d'une même structure et dans une même structure est une bonne chose. Et le dénominateur commun à tout ça, c'est quand même les Écritures. Hein, c'est important de le dire, de le rappeler. Et ce livre, l'objet de ce livre a été, en tout cas pour moi, éditeur, puisque c'est moi qui suis un peu à l'origine de cette proposition que j'ai faite à François Claveroli et à Alain Joly, de remettre au goût du jour le pourquoi de lire la Bible aujourd'hui dans nos églises. Alors la question préalable que je vais vous poser un petit peu, sous forme de provocation, est-ce que vous lisez la Bible? Qui lit la Bible ici? Alors ça peut paraître surprenant, on est tous réformés, luthériens, on a l'habitude, mais enfin, quelle question quand même, c'est un peu... Donc vous la lisez? D'accord, mais vous vous contentez de la lire? Il faut faire plus. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'a dit ce monsieur ? Pourquoi cette question un peu pertinente et qui peut vous paraître déplacée ? C'est parce qu'aujourd'hui, cette Bible fait paradoxalement en protestantisme convergence, il y a unanimité autour de la Bible, surtout quand elle est fermée. Or, tout le problème, c'est quand on l'ouvre. Et quand on l'ouvre, il apparaît nettement qu'il y a divergences d'interprétation, il y a divergences de lecture, il y a la lecture des grands courants de l'histoire réformée, luthérienne, nos deux amis vous diront pourquoi, mais pourquoi ce livre fait-il à la fois unanimité, adhésion de l'ensemble du protestantisme et au-delà des frontières du protestantisme, et en même temps, parfois, ce livre est l'objet de dissensions, de querelles, et voire même de situations tragiques, et l'histoire de notre protestantisme en France en est l'exemple vivant. Alors, la première question que je voudrais vous poser, à l'un et à l'autre, c'est quelle place, pour vous, la lecture de la Bible occupe-t-elle dans vos vies respectives de ministres du Verbe de Dieu, comme disait Calvin, et quel usage en faites-vous, personnellement d'abord ? Qui veut commencer ? Je me dévoue. Ah, bien, dévoue. Le matin, en me levant, je prie toujours avec un psaume. Donc l'Écriture me rejoint dans le temps de la prière qui ouvre ma journée. C'est-à-dire que la parole de Dieu vient sur mes lèvres et dans mon cœur me ranger à un dialogue avec le Seigneur. je ne lis pas pour m'instruire ou pour approfondir une connaissance. Je lis pour être en communion avec le Seigneur au commencement de la journée. Ensuite, l'un des temps forts pour moi de la lecture de la Bible, c'est en liturgie. Et j'ai voulu, au commencement de la contribution que vous me demandiez dans le livre, évoquer la place du livre Bible dans les célébrations liturgiques de nos églises. Souvent, c'est un livre d'abord que l'on aperçoit de loin. Il est ouvert sur un pupitre ou sur une table dite de communion chez le réformé, parfois sur l'autel chez les luthériens ou sur un pupitre. Et puis, ça reste un objet, souvent. Je suis frappé que dans certaines traditions, qui sont les traditions plutôt anglicanes ou luthériennes haute église, on s'empare de ce livre au moment où on va en faire la lecture pour l'amener au centre de la communauté, de façon à ce que la parole de Dieu soit proclamée du milieu de la communauté, et non pas comme un vis-à-vis distant ou référencé en permanence dont on sait qu'il est là, comme on peut voir la croix aussi, ou le crucifix chez luthériens, ou d'autres choses peut-être qui sont visibles dans l'Église. C'est pour moi une chose très importante que la parole de Dieu puisse rejoindre, après l'intimité personnelle de l'individu, une communauté disposée à l'écouter, à l'accueillir, et plus encore, à rencontrer Dieu par cette médiation. François, la Bible est pour moi un objet qui accompagne toute bibliothèque de toutes les maisons que j'ai habitées, et donc c'est un objet qui est devenu familier. Maintenant, je ne l'ouvre pas tous les matins, et je ne me laisse pas accompagner tous les matins par un psaume. Je ne l'ouvre même pas tous les soirs. Et je ne m'endors pas en lisant les mêmes psaumes. Mais la familiarité de cet objet fait que, finalement, lorsque je me retourne en arrière, je me rends compte que je l'ouvre régulièrement. Et alors, cette régularité est très étrange, parce qu'elle est portée par une nécessité. Ça peut être d'abord la préparation d'une étude, et donc c'est le contact le plus factuel, ouvrir la Bible pour étudier ou préparer une étude. Ça peut être la préparation d'une prédication, ça c'est pas très original pour un pasteur. Ça peut être aussi, le petit moment de halte, de repos, de calme que je trouve dans la journée. Et c'est généralement dans un bureau. Alors ça peut être le bureau pastoral. Maintenant j'ai changé de bureau là, alors... je vous le signale, le bureau de la Fédération protestante de France que j'occupe a une porte qui est toujours ouverte. Et alors c'est très sympathique, mais il y a un inconvénient, c'est que lorsqu'on veut lire justement la Bible, eh bien on est dérangé. Et voilà, une situation nouvelle pour moi. Le bureau de l'administration, entre guillemets, n'est pas le bureau pastoral. Ça n'est pas la même chose. Et donc il faudra que je me préserve, que je me trouve des moments plus tranquilles. Et je termine avec une petite information, c'est qu'il va y avoir bientôt une application pour smartphone qui va permettre à chacun, quand elle sera, je crois que ce sera gratuit, qui va permettre à chacun de recevoir le verset du jour et de pouvoir le méditer tranquillement, donc d'être alerté par cette application. Alors voilà comment, finalement, d'un objet très tradit, très classique, qu'on trouve dans des rayons de bibliothèque ou dans un bureau, on va passer à quelque chose de complètement numérisé et finalement assez réactif, et qui va nous intéresser, qui va nous interpeller. C'est comme ça que je vois, au fond, la problématique qui nous a été posée par Serge Sarkissian, c'est pourquoi lire la Bible ? Qu'en réalité, on reste dans une civilisation de la lecture, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On n'a pas quitté la lecture. On a quitté, et on va quitter de plus en plus des supports de lecture, mais la lecture reste un essentiel dans la rencontre avec la parole. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Alors, on va poursuivre, aller un peu plus avant, de manière graduelle. La deuxième question que je voudrais vous poser est un petit peu subséquente à la première. Qu'est-ce qui vous a motivé, compte tenu de ce que vous venez de dire déjà vous concernant ce rapport personnel que vous avez à la Bible, dans l'acceptation, parce qu'en fait, vous ne me l'avez jamais réellement dit, qu'est-ce qui vous a motivé pour rédiger ce texte? Est-ce que c'est une motivation uniquement de type narcissique? Ça peut arriver aux auteurs, il y a beaucoup d'auteurs qui le cultivent. Ou est-ce qu'il y a un souci aussi à la fois de transmettre, de communiquer, et d'ouvrir vers l'extérieur? En cela, ça répond peut-être aussi aux préoccupations historiques et psychologiques des protestants, que de ne sortir de leur intimité et d'aller vers l'ailleurs, vers l'extérieur, en soi. Moi, c'était une façon de répondre à cette question de l'étymologie même du mot religion. La religion, c'est l'acte de, comme on dit, de relier, alors quoi, l'homme à Dieu, enfin, ou les hommes entre eux devant Dieu, etc. Mais c'est aussi l'acte de relire, donc quelque chose que l'on a déjà reçu. Et je me suis rendu compte que la Bible, c'est quelque chose que sans cesse on relit. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît ces textes, on les a déjà entendus, et quand on ouvre la Bible, en fait, on ne fait que relire. Et même, on réélit. Vous voyez, on fait des jeux de mots comme ça, et moi, c'est ça qui m'a frappé. On réélit des textes qui nous plaisent, et on y replonge. Donc, relier, relire, réélire des textes, et puis, pour finir, reléguer à un autre l'initiative de la rencontre. C'est-à-dire qu'en reliant, en relisant, en réélisant, on se laisse rencontrer par celui qui voyage dans ses récits, et qui est alors le Jésus des paraboles, ou le Jésus qui marche en Galilée, ou bien le Dieu d'Israël qui se promène dans les montagnes de Palestine. Voilà, donc c'est ce travail, au fond, peut-être d'exégèse, mais le mot est un peu fort là, de ce travail, oui, de redécouverte d'une étymologie de ce qu'est la religion, tout simplement, dans son sens le plus large qui soit. Alain ? Vous êtes un tyran, Serge Sarkissian, et quand vous proposez quelque chose, vous lâchez plus. Alors même si on dit non au début, on nous a pas dit non, mais on sait qu'au bout du chemin, vous nous aurez tellement sollicité, tellement cadré, qu'on sera obligé de produire quelque chose. Bon, c'est un peu une boutade, mais quand même, vous êtes convaincant, on va dire. Quand vous venez vers vos auteurs, j'imagine les autres aussi, vous êtes convaincant, alors on accepte ces projets. Plus sérieusement, mais tout simplement, dans mon ministère de pasteur, et quelques-uns d'entre vous le savent bien, et probablement beaucoup d'autres chrétiens, souvent les gens disent « mais je ne sais pas lire la Bible, j'ai commencé, mais je suis déçu au bout d'un certain nombre de pages, ou bien je ne sais pas prier », ce qui est là, à mon sens, presque la même question, c'est-à-dire le rapport avec, de manière très large, le sacré, de manière peut-être plus affinée, Dieu qui me parlerait, Dieu qui viendrait à ma rencontre, Dieu qui pourrait advenir dans mon existence, et qui a choisi en tout cas ce support-là, cette médiation-là, pour me rejoindre. Moi, je crois qu'il y a d'autres médiations aussi, oui, avec les sacrements, bon, mais celle-ci, c'est la première, je dirais, la plus générique même, qu'elle soit lue ou qu'elle soit écoutée. Parce que je pense aussi que la Bible est souvent maintenant, comme d'ailleurs autrefois, écoutée, et pas seulement lue avec les médias modernes ou anciens. Donc voilà, tout simplement, cette problématique, pourquoi lire la Bible, pourquoi répondre à ce désir d'une rencontre avec Dieu, dont on sait, dont beaucoup de gens savent, ceux qui s'interdisent de lire la Bible en disant « j'ai pas le temps, on verra plus tard », c'est aussi qu'ils la prennent très au sérieux. Ce désir qu'on reporte souvent et que moi je voudrais pouvoir expérimenter dans notre environnement avec une accessibilité presque immédiate. Donc ce désir dont vous dites aussi que c'est en réalité un double désir, hein, celui de Dieu et oui. celui des hommes, oui. non pas celui de l'homme. Oui, j'espère que beaucoup de chrétiens accordent le crédit à Dieu d'être l'inspirant des livres de la Bible, de leur rédaction humaine, mais qu'il en est l'auteur dans le sens qu'il crée des êtres relationnels vers lesquels il adresse parole, et que la Bible est effectivement dans l'ordre d'abord du désir de Dieu de rejoindre l'humanité, d'être jusqu'au témoignage de l'incarnation, correspondant à ce désir profond de tout être religieux, qui est tout être humain, d'avoir une élévation, d'avoir plus que l'existence quotidienne, terrestre, matérielle, voilà. Double désir, oui, j'ai tenté d'expliquer ça dans le chapitre... ce qui prouve que j'ai lu ce que vous avez écrit quand même. Il a lu, oui, c'est vrai, il a même fait des remarques. Donc, la transition est toute faite, je me tourne vers toi, François. Il y a cette approche que soulignait Alain, mais au sein du protestantisme historique, il y a une pluralité. Et tu dis pertinence qu'il est important de faire l'effort de la part du lecteur, d'un effort d'une intelligence critique pour apprécier le texte, pour l'inculturer, pour le comprendre pour aujourd'hui. Et là, tu ouvres également sur la nécessité d'y adjoindre les sciences modernes telles que l'histoire, la psychanalyse, la sociologie, pour mieux percevoir l'environnement dans lequel ce texte a été est né, transmis, a évolué. Alors, ma question, c'est: quelle est l'importance pour aujourd'hui de ces sciences dans l'interprétation et la compréhension de la Bible? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de, comment dire ça un petit peu, de modifier un peu le cœur du message? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il est trop fort. Au fond, la Bible, moi je la prends comme un objet précieux. Vous voyez, presque comme un diamant qu'il faudrait encore un peu tailler, quoi, qui mériterait d'être un trésor encore plus beau qu'il n'est. La Bible, au départ, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des restes, des vestiges, des reliques même. Ce sont des parchemins très très difficilement conservés ici et là, dans des bibliothèques, à Oxford, à Londres, à Berlin. Enfin, c'est des choses quand même assez fragiles et finalement pas très belles quand on regarde de près. Évidemment, on est émerveillé que l'histoire ait pu garder ces choses, mais c'est quand même très très fragile. Et donc, la Bible mérite d'être reconstruite, et les textes dont nous disposons aujourd'hui sont des reconstructions. Des reconstructions de papier et d'encre, de choses qui auraient disparu si la science n'avait pas été à l'œuvre, si la préservation humaine n'avait pas pu garder ces choses de sorte qu'on puisse les consulter facilement aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais que la science des hommes a finalement préservé ce trésor. Mais aujourd'hui, que ce trésor soit rayonnant, qu'il apporte des richesses, eh bien, il faut savoir en apprécier la qualité. Et pour apprécier une qualité, il faut faire preuve d'intelligence. Et d'ailleurs, lire avec attention, avec l'esprit critique dont tu parlais, lire, c'est le propre de l'homme. Hein, rire, c'est le propre de l'homme. Mais lire, c'est le propre de l'homme. C'est-à-dire que faire preuve d'intelligence et donc scruter ce texte et y faire rejaillir ses richesses, ça c'est le travail de l'intelligence humaine. Et pour cela, il y a des techniques, il y a des usages, des trucs humains qu'on appelle la science. Et donc voilà, on met le texte à distance, on l'observe sous tous ses angles, sous toutes ses coutures, et on arrive finalement à le décrire et puis petit à petit à le comprendre, non pas comme un objet en laboratoire, mais comme un trésor dans lequel on va découvrir mille réalités. Et les sciences dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire l'archéologie, la linguistique, l'histoire, enfin toutes ces choses-là, sont mises à contribution pour valoriser ce trésor. Alors Alain, je reviens là, ça va être un petit peu... Je peux continuer sur le même sujet. Non, non, mais je vais vous donner l'occasion, mais laissez-moi quand même un peu la possibilité d'exister entre les deux éminences quand même. La première chose, quand même, la tradition luthéro-réformée est parsemée de sola. Sola scriptura, sola Christus. Non, c'est soli en hein, pluriel. Hein. Ah oui, mais moi je suis moins latinisé que vous. N'oubliez pas mes antécédents orientaux. Par les Grecs, si vous voulez. Oui, par les Grecs, ça je peux encore. Donc il y a pas mal de soli, soli gloria, soli Christus. Non. Oh là là. Mais moi, je vais le dire tout à l'heure. Non, mais vous me le direz. Et en fait, elle marque bien dans l'histoire et le temps et dans l'esprit protestant l'empreinte d'une tradition qui a forgé les esprits. Et est-ce que cette tradition ne s'oppose-t-elle pas un petit peu à cette approche moderniste préconisée par les sciences? Est-ce que là, il n'y a pas une confrontation entre l'interprétation classique, dynamique, et cette interprétation de la Bible avec l'apport des sciences humaines? Non, c'est à mon sens pas contradictoire, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit François tout à l'heure. Il faut prendre la Bible... lu et médité avec rigueur. Et la rigueur intellectuelle nous oblige à prendre en considération que plusieurs auteurs peuvent avoir composé un livre qui ne porte apparemment le nom que d'un seul, qu'il y a des influences du monde du Proche-Orient ancien ou d'autres cultures, qu'il y a des relectures parfois. Les manuscrits les plus anciens et les plus récents peuvent être, avec quelques siècles d'écart, des lectures et relectures. Pour moi, c'est pas gênant tout cela, par rapport à la façon dont on va donner autorité à ce livre. Mais il faut le distinguer. C'est-à-dire que le premier trésor, si on en reste à première considération, le premier trésor, c'est effectivement que c'est un patrimoine de l'humanité. On le dit souvent, ça. Une exposition qui s'appelle comme cela, je crois, qui circule en France. La Bible est une part du patrimoine de l'humanité. Il y a là un condensé de recherche de vérité dans une culture ancienne, traversée par d'autres, etc. Bon, et qu'il faut approfondir ces choses pour mieux appréhender la réalité de ce que dit ce texte, sans doute. Mais le trésor, il est d'un autre ordre. Et là, je cite le bienheureux réformateur Martin Luther qui disait « C'est un trésor, oui, mais qui doit devenir la cassette de ton cœur. » La cassette de ton cœur. C'est-à-dire que c'est un texte, une parole, des paroles qui me concernent, qui concernent chacune et chacun. Parfois, les gens sont totalement hermétiques à cela, mais l'ambition de Dieu... dans la rédaction qu'il a inspirée à ses auteurs sacrés, c'est de toucher personnellement chacune et chacun des êtres qu'il aime. Et pour moi, la Bible est ce véhicule-là, en tout cas un des véhicules, et peut-être le plus explicite, et qui fait appel à l'intelligence de l'homme, parce qu'il ne faut pas non plus dire le texte est sacré à la lettre dans un fondamentalisme étroit qui finalement fait plus peur qu'autre chose, comme si une parole immuable tombait du ciel et obligeait à croire. Non, il y a comme un combat, et l'intelligence y contribue, me semble-t-il, l'intelligence, la science, l'archéologie, l'historico-critique, toutes ces affaires-là, contribuent à se coltiner une présence de Dieu qui vient toucher des êtres vivants, qui auront une réaction chacun et chacune, peut-être différente même. Le texte sera identique pour tout le monde, c'est l'édition de la Bible dans la version de ceci, de cela, mais la perception sera peut-être différente, non pas, me semble-t-il, parce que ce mot n'intéresse pas trop, parce qu'on se discutera sur l'origine étymologique d'un mot, sur la preuve archéologique qui va bien ou qui ne va pas bien du tout avec, mais à cause que j'aurais fait mienne cette parole. Elle aura transformé quelque chose de mon être intérieur. Elle aura façonné, elle aura créé, c'est en ce sens que la Bible a un auteur, à quelqu'un qui donne vie. Elle aura créé un être toujours davantage en quête de Dieu et probablement dans l'intimité de Dieu, se découvrant progressivement. Pour moi, c'est ce trésor-là qui n'est pas incompatible, je le répète, avec l'intelligence, la science, mais qui pourrait, s'il n'y avait pas cette dimension, être une satisfaction intellectuelle, culturelle. Il y a des tas de livres ici qui sont aussi des trésors de stimulation de l'intelligence et de la culture. On peut aussi, on est très heureux aussi quand on découvre les poèmes de telle civilisation ou l'histoire de notre peuple et ainsi de suite. Mais c'est pas ça qui fera que mon être intérieur vis-à-vis de Dieu, puis ensuite du prochain, aura grandi. Donc pour moi, les double trésor, en tout cas, puisque vous nous lancez sur ce sujet, et dans tout l'apparat critique et tout l'investissement humain, raisonnable, scientifique, raisonné, etc., de l'homme, et puis aussi l'émerveillement d'une parole qui me touche, parce qu'elle prend place en mon cœur, comme la cassette dans laquelle il y a ce trésor qui vient directement de Dieu. Alors, transcendance. Cette révélation sous-jacente au propos d'Alain Joly et qui est en fait le lieu où se révèle Dieu et avec un processus d'alliance, etc., est-ce qu'elle peut être compatible avec une lecture moderniste, sans que le mot soit péjoratif, qui agrémente et nourrit l'inculturation de la Bible aujourd'hui et la rend plus accessible, en tout cas pour une élite? Est-ce que ça paraît compatible avec l'approche que tu préconises? C'est compatible à condition qu'on s'entende bien sur les mots, et notamment sur cette expression qu'on entend assez souvent de dire, au fond, le christianisme avec d'autres religions est une religion du livre. Non, je crois vraiment que le christianisme n'est pas la religion du livre. C'est-à-dire le livre, ou la Bible, est un médium, enfin un moyen, un vecteur, mais qui désigne celui dont parle Alain Joly, c'est-à-dire celui qui vient à notre rencontre à travers cette parole, ou ces textes qui nous deviennent paroles et qui nous touchent. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la Bible n'est pas un objet religieux, au sens fétiche, au sens totem du terme. C'est pas l'objet Bible qui est le lieu de la révélation. L'objet Bible, c'est celui qu'on peut étudier avec les sciences, avec la raison, avec le discernement de l'esprit et de l'intelligence, parce qu'on sait dans la foi, et c'est là le pari que font les chrétiens lorsqu'ils s'arrêtent à ce texte-là, que quelqu'un parle dans ces textes, quelqu'un nous parle. Quelqu'un ne parle pas de manière indifférente, mais quelqu'un nous parle, ou s'adresse à son lecteur. Et ce rapport, au fond, intime dont parlait Alain Joly, c'est celui-là qui est effectivement le rapport essentiel. La lecture de la Bible est une lecture personnelle. D'ailleurs, l'acte de lecture, vous l'avez expérimenté depuis tout petit, l'acte de lecture est un acte éminemment personnel, intime, intime. Vous pouvez faire lire des contes pour enfants à des tout-petits, qui vont s'approprier personnellement ces histoires, de la même façon qu'ils vont s'approprier personnellement les histoires de la Bible. Et donc cet acte intime, individuel, qui n'est pas du tout contradictoire avec la communauté de l'Église, avec la lecture de groupe, l'étude à plusieurs, cet acte personnel et intime, c'est celui qui est décisif. Et alors c'est ça qui est étrange, hein, c'est au fond, moi c'est ça qui m'a intéressé aussi dans ce travail, c'est au fond... qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui met en route des hommes et des femmes par la lecture? C'est très étrange comme acte de Dieu à l'égard de ses créatures. On aurait pu imaginer qu'il nous demande de nous mettre à plat ventre et de l'adorer. On aurait pu imaginer qu'il nous demande de tuer des boucs et des taureaux. Et tous les textes que nous lisons nous disent, ne vous mettez pas à plat ventre, et puis vos histoires de boucs et de taureaux, ça ne m'intéresse pas. je vous prendrai autrement, je vous rencontrerai autrement. Et cet autrement, c'est le Christ. Alors, il faudra qu'Alain Joly en parle, parce que ça fait partie quand même du disque dur de sa partie à lui. C'est que la rencontre dans la lecture, c'est la rencontre avec le Christ vivant. C'est pas une relique. Et il me semble que c'est là l'essentiel, au fond, de ce projet que Dieu nous offre, disant, voilà, lisez, et alors vous verrez, vous serez rencontrés par le Christ. Et alors, pour rebondir sur ton propos, tu fais une comparaison intéressante entre la tragédie et le texte biblique, et notamment en évoquant le cas connu de l'Iliade, en tout cas avec plutôt de l'Odyssée, du retour de Ulysse, et tu dis en résumé qu'au fond la tragédie, les enjeux sont connus d'avance, et qu'en fait tout est fort clos, il n'y a pas d'ouverture, on en connaît l'issue. À l'inverse, le texte biblique débouche vers un ailleurs, vers une ouverture qui nous dépasse et dans laquelle nous sommes inscrits. Alors là où je suis un peu provocateur, c'est qu'à un moment donné, ce ailleurs et là où nous sommes inscrits, c'est une rencontre qui se passe. Oui. Et cette rencontre est nominative. Oui. Et elle met en scène, entre guillemets, deux personnes, oui, au sens traditionnel de la théologie, hein, Dieu, à savoir Dieu d'un côté et l'homme, sa créature, de l'autre. La lecture historique et critique de la Bible nous amène à comparer. Hein. On voit des récits bibliques étrangement ressemblants avec des récits de la tradition classique, hein, de la littérature classique, des textes anciens, des textes grecs notamment. Et puis alors on peut faire comme ça un certain nombre de couples étranges, de personnages bibliques et de personnages de la tragédie. Hein. Pandore et Ève. Hein, Iphigénie et la fille de Jephthé. Enfin bon, il y a toute une série de personnages qui se croisent un peu dans cette époque où on écrit tous ces textes, hein, des personnages qui sont des personnages de tragédie. Et quand on les trouve dans la Bible, eh bien c'est différent. C'est très différent. C'est-à-dire que l'histoire biblique met en scène apparemment des segments humains qui se ressemblent, mais apparemment seulement. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on connaît cette histoire parce qu'on l'a déjà lue chez Eschyle ou chez Homère, et pourtant c'est différent. Ulysse, vous connaissez l'histoire d'Ulysse, hein, c'est une histoire merveilleuse, mais Ulysse, il est toujours en train de revenir chez lui. C'est le héros, c'est le héros, mais pathétique à force. Alors, moi je l'ai lu en grec au lycée longtemps, parce que c'est le genre, les profs de grec, il n'y en a pas ici. C'est un tout petit peu vicieux quand même, parce qu'ils reprennent d'une année sur l'autre les mêmes histoires, et à la fin on est obsédé par ces figures. Mais Ulysse, il rentre chez lui. Il n'a de cesse de rentrer chez lui pour reprendre le pouvoir. Et heureusement que sa femme l'attend d'ailleurs, et sa femme ne fait que l'attendre. Et puis ça se termine dans le sang. Eh bien, la figure, si vous voulez, parallèle à Ulysse, c'est Abraham, et lui, il n'arrête pas de partir. Il n'arrête pas de partir, et c'est tout l'inverse. Il ne va pas rentrer chez lui, on ne sait même pas où il va, lui-même l'ignore, et il va produire une histoire infinie. Une histoire complètement ouverte, avec des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, une génération incroyable. Ulysse, non. Ulysse, il a un fils unique, et il cherche à reprendre le pouvoir qu'il avait laissé. Donc il y a des couples qui apparemment pourraient se ressembler et qui en réalité quand on les compare, et c'est là l'intéressant de la science et de l'histoire, de la linguistique, de l'archéologie, tout d'un coup nous font décrocher et nous font vivre tout à fait autre chose. Et alors on s'identifie à ces personnages. On s'identifie à ces personnages et tout d'un coup l'histoire s'ouvre et on se trouve transporté. L'histoire de David aussi, on pourrait prendre l'histoire de David et comparer avec les rois, comparer avec Créon, enfin comparer avec les hommes de pouvoir dans la tragédie grecque, comme on dit aujourd'hui, il n'y a pas photo, hein. La tragédie grecque est fort close. Alors Alain, François vient de parler, d'évoquer l'ouverture de l'histoire, l'histoire qui n'est pas forclose, la transition est toute faite. Christ conjure la tragédie, il ouvre vers, et que par conséquent, nous avons dans la lecture biblique une perspective innovante et originale. Alors c'est comme si Dieu lui-même, je reprends un mot qu'on a employé tout à l'heure, avait fait la relecture de ces histoires emblématiques, qui sont dans la civilisation grecque, mais on les trouverait dans la civilisation mésopotamienne, la civilisation égyptienne, et ainsi de suite, et sans doute même bien ailleurs, hors du champ culturel de l'ancien Israël. C'est comme si Dieu en faisait la relecture, parce qu'il y a beaucoup d'histoires humaines dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, qui ne valent pas mieux, dans le fond, que celle de l'antiquité païenne, sans que ce soit un jugement. Mais parce que ces histoires nous sont offertes comme la parole de Dieu, elles prennent une autre dimension et souvent même nous emmènent, nous orientent vers bien davantage que la restitution des aspirations humaines ou des échecs de l'humanité. Je cite Martin Luther, deux mots en latin seulement, c'est tout petit. Hein. Fondamentalement, la théologie du réformateur, Martin Luther, c'est une théologie relationnelle. C'est-à-dire que quand on parle de Christ, quand on lit la Bible, ou quand on reçoit quelque chose de Dieu, c'est pour moi, pro me, en latin. Ça va ça? Pro me. C'est voilà. Accessible. Au pluriel, ça fait pro nobis. C'est-à-dire que ce ne sont pas des absolus. Il n'y a pas l'absolu Dieu, il n'y a pas l'absolu l'histoire humaine, les échecs, les espérances, etc. C'est pour moi. Ça me concerne moi. Ça m'est pertinent. Alors l'histoire d'Ulysse, elle peut m'être pertinente, peut-être je peux me projeter, pourquoi pas, dans l'éternel retour. Mais quand il s'agit d'une relecture de tous les développements de l'humanité pour découvrir Christ, c'est pour moi que Dieu a pris cette initiative, s'est penché, s'est orienté, s'est incarné, est venu prendre sa place, toute sa place de vie dans l'humanité. J'ai pensé encore à autre chose, et spécialement à l'histoire des pèlerins d'Emmaüs. Alors vous lirez, j'ai un petit chapitre là-dessus, en passant. Parce que autant Ulysse y rentre chez lui, autant les pèlerins d'Emmaüs y s'en vont de chez eux. C'est un, à mon avis, je veux pas entrer, je veux laisser du suspense pour qu'on achète le livre. Oui, oui. Mais à mon sens, de lecteur pasteur, qui a essayé de prier le texte et d'en dégager une des saveurs, il y en a sûrement d'autres. Les pèlerins d'Emmaüs, ils sortent de Jérusalem, c'est-à-dire du lieu de leur espérance, comme s'ils n'allaient plus y revenir, ils s'en vont, et c'est sur le chemin qu'ils rencontrent Christ, qui, sans être perceptible au commencement, vous vous souvenez bien que c'est à la fraction du pain, avec toute la dimension sacramentelle qui va bien avec, dans la présence de Christ au-delà du sensible, il leur expliquait tout ce qui le concernait dans les Écritures. N'est-ce pas, vous vous rappelez de ça, de la finale de Saint-Luc, hein, il leur explique ce qui le concernait, lui, dans les Écritures. Alors, la théologie médiévale, et Martin Luther, le bienheureux réformateur, a particulièrement été, attentif à le remettre, mais vraiment au pinacle, à l'honneur. Toutes les Écritures de la religion juive, qui sont canoniques, qui font autorité, qui parlent d'histoires aussi tout à fait misérables et piètres, toutes les Écritures nous montrent le Christ. Je ne veux pas aller plus loin, mais pour moi le mot le plus important, c'est « nous » dans cette petite phrase. Toutes les Écritures montrent le Christ, ça sera encore un absolu, une espèce de truc intéressant, une chose à savoir, c'est très bien, je vais aller décrypter quand il est question de Jésus-Christ dans l'ensemble du corpus biblique. Je ne vais pas trouver souvent si je n'ai pas la foi. Je vais au contraire dire, je veux respecter les Israélites, etc. Et pas proche du Christ dans des récits antérieurs où, manifestement, il n'est pas explicite. Mais le réformateur, avec tous les pères de l'ancienne Église du Moyen-Âge, disent, les Écritures nous montrent le Christ. Pas montrent le Christ, mais nous montrent, c'est-à-dire nous l'offrent par les yeux et la lecture de la foi, à recevoir comme l'attestation de la miséricorde de tout temps de Dieu en notre faveur, en ma faveur. En tout cas, moi je suis attentif à cet accent-là, je sais bien qu'on peut en articuler d'autres, hein, mais il y a là pour moi quelque chose d'essentiel, hein, dans l'ordre de l'essence même du rapport à l'Écriture. S'il n'y a pas Christ, ça ne sert à rien que je lise la Bible. Je parle de moi, Alain Joly. Je suis très intéressé de préférer lire des grands historiens, des grands poètes, etc. Je n'ai pas toujours bien écrit la Bible, hein, puis c'est ennuyeux à bien des endroits, et ainsi de suite. Mais ça me montre le Christ. Donc là, l'intérêt est supérieur, d'une certaine façon. Donc le désir aussi, hein, l'aspiration à trouver. Mais il a fallu l'accompagnement de ceux qui ont prié, qui ont lu et prié la Bible avant moi pour que je m'engage avec eux sur ce chemin. Si j'avais eu la Bible comme ça sans rien, peut-être que ça aurait été intéressant et on passe à autre chose ensuite. Ça fait partie de l'acquis culturel. Mais comme d'autres avant moi ont suggéré que c'était un des lieux d'une intimité de rencontre avec Jésus le Christ, alors je m'attelle à sa lecture avec passion. Alors, François, je reviens vers toi parce que il y a une question importante à poser, me semble-t-il, c'est ce rapport de la parole à la tradition. Et aujourd'hui, dans nos églises, force est de constater que les nouvelles générations, même s'il y a The Bible qui fait un tabac, jusqu'aux dernières statistiques, ils en ont vendu plus de 60 ou 70 000, il n'en reste pas moins encore, il y a du chemin à faire. Alors que faut-il, pour reprendre le propos de Luther, pour redonner du souffle ? Parce qu'effectivement, préconiser une lecture intelligente, critique, me paraît intéressant, toujours, et ça s'adresse souvent aussi, vous le constatez dans l'exercice de votre ministère, à des élites, à des clubs bibliques. Mais le commun, celui qui passe dans la rue, celui qui est... Tu disais à juste titre tout à l'heure que la lecture fait partie de notre culture, de notre civilisation, mais cette civilisation est de plus en plus sous l'ascendant des médias modernes, Internet, machin, et on sent quand même qu'il y a une perte de vitesse de la lecture et de la réflexion au sens classique du terme. Alors que faut-il faire, ou que préconises-tu pour redonner souffle ? Moi je n'ai pas de solution, hein. Je constate avec beaucoup de gens que le référent Bible, enfin le totem Bible fonctionne beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a peut-être 100 ans, mais il faudrait encore vérifier. Est-ce que la Bible a jamais été vraiment lue dans l'histoire de l'Église ? Est-ce que, au fond, cet effort incessant que les chrétiens essayent de faire n'est pas un effort perpétuel ? La réforme, le XVIe siècle, a été une opération de com' sur la Bible réussi, parce qu'il y a eu conjonction de plusieurs éléments techniques, sociopolitiques et sans doute aussi intellectuels et spirituels. Aujourd'hui, l'opération comme sur lire la Bible avec The Bible, c'est une réussite d'une certaine façon aussi. Mais il me semble que la Bible, en tant que telle, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne doit pas être un objet cultuel au sens objet fétiche. La Bible, c'est un médium par lequel le Christ nous est désigné, nous est offert. Là, on se rejoint vraiment avec Alain. Donc il ne s'agit pas de faire du marketing de la Bible ou du chiffre. C'est pas ça l'enjeu. D'ailleurs, on peut très bien, vous l'avez sans doute expérimenté dans des paroisses, on peut très bien faire découvrir la Bible avec juste trois versets. Pas besoin de, de 1200 pages sur un papier Bible qui coûte 50 euros. Vous prenez l'histoire de Caïn et Abel et vous en faites une soirée complète. Et vous touchez 25 personnes qui vont raconter ça dans leur maison et ça fera 300 personnes à la fin du mois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la question de la lecture de la Bible est une question qui revient prioritairement, effectivement, à la responsabilité des églises. Parce que c'est l'église ou les églises qui ont cette responsabilité de porter ce message à d'autres. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont les seules. Vous savez que de plus en plus, la Bible est maintenant, citée ici et là. Hein, le tabou n'existe plus ou presque plus à l'université. On peut, dans certains cas, dans certaines dissertations, certains articles de philosophie, de littérature ou d'histoire, citer la Bible, sans être tout de suite traîné devant le tribunal de la laïcité. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est en train de revenir. C'est-à-dire que la dignité de ce texte est reconnue. Vous me direz, cette dignité a été perdue, c'est vrai, et si elle a été perdue, c'est en grande partie à cause des églises. Donc il ne faut pas non plus faire porter les responsabilités sur les autres. Et au fond, cette dignité retrouvée d'une part, et la prise de conscience de responsabilité des églises d'autre part, peuvent, je crois, contribuer à ce que la Bible retrouve une vérité au sens spirituel du terme, c'est-à-dire une pertinence. Le mot vérité aujourd'hui est un petit peu galvaudé, enfin le mot vérité fait peur, hein, parce que le mot vérité est vertical et donc s'impose. Il est devenu, dans l'esprit commun, la force, hein, la vérité, c'est ce qui s'impose. Je pense que le mot de pertinence est peut-être plus juste pour ce qui est de la Bible. Et donc le message évangélique retrouve pertinence et impertinence quand il est porté à la fois par les églises, alors là il faut trouver les méthodes, hein, les méthodes modernes, etc., et quand les instances universitaires ou les instances de savoir lui accordent à nouveau une certaine dignité. J'entends France Culture, peut-être comme vous, je lis quelques articles dans les sciences humaines, et je ressens ça, je ressens confusément que le référent Bible retrouve un certain crédit. Il faut se saisir de ça, il faut absolument prendre ça très au sérieux, et pas se laisser effrayer par l'air du temps. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on va très vite, qu'on n'a plus le temps de lire, etc., etc. Ça, je crois que c'est superficiel, à mon avis, comme argument, comme analyse. Ce n'est pas parce que le monde va très vite que nos âmes courent. Elles vont toujours à la même vitesse depuis que l'homme est homme. On va terminer, alors. Allez-y, monsieur. Allez-y, hein. Qui veut prendre la parole? Allez-y. Oui. Le fait que vous disiez que la Bible revient un petit peu, un peu dans tous les domaines, et même peut-être là on ne l'attend pas, puisque dans des jeux télévisuels qui n'ont rien à voir forcément avec la religion, je suis vraiment étonnée qu'il y ait beaucoup de questions sur la Bible et qui font justement chuter le candidat ou pas. Donc je me dis, tiens, les pasteurs là, ils auraient, ou les autres, ils pourraient gagner. Exactement. Donc voilà, enfin, je trouve que c'est quand même assez étonnant que, quelles que soient les chaînes, hein, que finalement les questions sur la Bible, sur la religion, reviennent en force. C'est peut-être l'indice aussi que on a besoin de se ressourcer à un patrimoine très ancien. On a besoin peut-être de se réapproprier cette mine d'or que sont toutes ces histoires fabuleuses, avec tous ces personnages. Je n'ai pas compté d'ailleurs le nombre de personnages bibliques, mais c'est un roman, enfin c'est le roman de l'humanité, la Bible. Et donc, le fait que ça apparaisse même dans des jeux télévisés, comme vous l'évoquez, de manière très superficielle, très rapide, c'est peut-être l'indice qu'il y a de l'épaisseur dans l'humain. Même dans ces jeux télévisés, il y a une dimension d'épaisseur humaine ou une densité d'histoire qui a droit de citer là aussi. Et donc, bon, il ne faut pas non plus exagérer, mais je crois que l'imprégnation de la société par ces récits prend sens à certains moments. Et là nous devons être attentifs, c'est-à-dire nous devons prendre les gens là où ils sont et ne pas leur imposer forcément la vérité, comme je disais tout à l'heure, et donc peut-être aller à leur rencontre à travers ce genre d'histoire. Vous savez que l'édition enfantine marche très bien avec ces bibles racontées aux enfants, hein, ces récits bibliques résumés, ou bien ces bibles en images pour les petits, pour les petits. Parfois pas de paroles, hein, pas d'écrits, parfois même pas d'écrits, l'image parle. Eh bien voilà un exemple où on se rend compte que l'épaisseur humaine et la densité de signification que contiennent les récits bibliques peuvent être portés, y compris dans les nouvelles générations, qui peut-être ne liront jamais la Bible, mais au moins auront connu ces histoires. Et une fois devenus adultes, ils reliront des textes. Ils vous le diront comme ça. J'ai relu le texte, alors qu'en fait, ils ne l'avaient jamais lu. J'ai relu l'histoire de Jonas. Mais qui a lu vraiment une première fois l'histoire de Jonas? Qui s'en souvient? Hein, c'est donc cette relecture, cet acte de religion qui est extraordinaire et qui est toujours à notre portée, me semble-t-il, même dans des sociétés comme les nôtres, numériques, rapides, médiatiques, superficielles, tous les mots négatifs que vous pouvez employer et qui pourtant sont porteurs de cette richesse. Question. Oui. Je pense que les méthodes exégétiques, critiques, quasi-scientifiques dont nous disposons aujourd'hui nous permettent de replacer les textes bibliques dans leur contexte et qui deviennent chacun un message en soi. Évidemment, tous ces textes ont en commun de nous renvoyer vers Dieu, en tout cas nous pose cette interpellation au sujet de Dieu et que nous allons bien sûr essayer d'actualiser chacun pour sa part avec peut-être les conditions qui nous sont imposées par la société d'aujourd'hui, les milieux culturels, etc. Et, alors si je replace ces textes dans leur contexte, je ne peux plus dire que tous ces textes s'orientent vers un personnage unique qui serait le Christ. Alors, je m'occupe de l'animation des conférences de l'Union protestante libérale, alors je me permets évidemment de mettre les méthodes historico-critiques le plus près possible de la lecture biblique. Mais ceci étant dit, j'approche ces textes bibliques avec des yeux toujours neufs. Hein. Je n'arrête pas de découvrir ces textes et d'essayer de comprendre leur message. Alors, on peut quand même aujourd'hui approcher un peu plus le Jésus de l'histoire, hein, le Jésus historique. Et s'il a été l'homme qui est rentré dans un rôle messianique, il n'est pas forcément le seul Messie qui aurait pu venir d'éternité en éternité ou pour l'éternité. Dans ce cas, l'interpellation qui me parvient, c'est plutôt celle de l'homme, Jésus de Nazareth, son message, la place qu'il a prise dans sa société, les engagements qu'il a pris et qui m'invite à mon tour m'engager de façon responsable dans le monde d'aujourd'hui. Bon, évidemment, on pourrait continuer longuement, mais voilà ceci pour dire qu'il y a peut-être une position un petit peu plus radicale encore que celle que j'ai pu entendre. Ah ben c'est sûr. Mais vous avez dit avec beaucoup de clarté l'orientation libérale de la théologie libérale ou de l'expérience de foi libérale quant à la lecture de la Bible. Mais moi, j'ai plus de mal à aller sur ces chemins-là. Vous avez cru comprendre. Mais c'est légitime, je crois aussi, que justement, on se positionne chacun On s'approprie chacun le message différemment. Moi, j'avais une question à vous poser quand même, c'est l'avant-dernière. François, tu évoquais à juste titre la lecture, l'effort de lecture, de compréhension qui est inhérente à chacun d'entre nous, et j'allais dire un peu avec un bémol, en fonction des capacités intrinsèques qui sont les nôtres, à plus ou moins, on peut comprendre des choses différentes et on peut aussi se les transmettre. Mais il y a un élément qui est, à mon avis, un petit peu soit un cran au-dessus, soit en complément, peut-être même différent, c'est la méditation de ces écritures. Or, pour reprendre un petit peu la spiritualité des pères de l'Église et d'une certaine tradition luthéro-réformée, cette méditation, elle prend le texte comme étant une réception qui lui est donnée, offerte en son cœur et qui la ressasse. Est-ce que méditer, c'est le même type d'effort que lire ? Oui, la méditation est une variante de la lecture. Il y a la lecture scientifique, historique, celle qu'on a évoquée à l'instant avec la tradition libérale. Le mot libéral ici, d'ailleurs, est peut-être, excessif. Enfin, je veux dire, on a longtemps cherché le Jésus historique. Il y a eu des... Voilà, puis on ne l'a jamais trouvé, finalement. Mais on l'a longtemps cherché, il faut chercher toujours, mais enfin on ne le trouvera jamais, Jésus est mort. Enfin bon, c'est au fond le Christ vivant qu'on cherche, c'est lui qui nous rencontre. C'est pour ça que je dis que la lecture c'est aussi la méditation, ou la méditation c'est la lecture. C'est quand on lit un texte biblique, on se laisse rencontrer par le Christ vivant. Et tout d'un coup on se dit, mais on n'est plus tout à fait dans une opération intellectuelle, une opération seulement neuronale, on est vraiment dans une situation de rencontre spirituelle. Tu veux dire rencontre relationnelle ? Oui, relationnelle. Et cette expérience, on l'a fait en paroisse régulièrement, lorsque tout d'un coup, vous savez, Madame Martin dit « Ah, mais c'est exactement ce que je croyais ». Vous voyez, on fait un travail, on est là depuis une heure et demie à gratter un texte, puis tout d'un coup, M. Dupont dit « Ah mince, c'est exactement ce que je sentais, c'était ça. » On ne pourra pas savoir plus, mais c'était ça. Pour cette personne, c'était ça. La rencontre a eu lieu. C'est gagné, ça y est, on ne peut pas aller plus loin. Donc d'un côté, il y a la lecture historique, critique, scientifique. C'est vrai, il y a la lecture des pères qui est une lecture aussi à sa manière assez scientifique malgré tout, parce qu'il y a une méthode, il y a des méthodes exégétiques. Et puis il y a cette lecture méditative où on prend le risque de se laisser rencontrer par le Christ, parce qu'on fait confiance à l'auteur. Et j'aime bien cette expression de prendre le risque de se laisser rencontrer, parce qu'effectivement ça peut arriver que dans un groupe tout à fait... convenable, de paroissiens tout à fait bien instruits, un événement se produise et une rencontre se vive. Et finalement, un chemin de conversion et de méditation s'expérimente dans le groupe. Et c'est une réussite à ce moment-là, parce que le coup d'après, vous imaginez, le texte prend un relief énorme pour les autres. Est-ce que moi aussi je vais me laisser rencontrer par le Christ dans cet évangile, ou dans cette épître de Paul, ou dans ce texte du livre de l'Exode, etc. Voilà. Donc moi je n'oppose absolument pas ces différents types de lectures. Au contraire, je souhaite qu'on les expérimente les uns et les autres. Je suis entièrement d'accord. Je pense que nous avons, avec peut-être des formulations parfois différentes, mais la même approche. C'est une expérience de vie. Et j'aime bien, ce sera peut-être le mot de la fin, un mot du réformateur lorsqu'il enseignait les psaumes à ses étudiants. C'est dans Operationes in Psalmos. Il disait, il faudrait pouvoir donner le souffle à un verset biblique chaque jour. Donner le souffle, le laisser respirer et nous permettre de respirer avec lui dans une rencontre, de dialoguer et au-delà même, qu'il y ait quelque chose dans l'ordre du souffle de vie quand nous nous laissons toucher par le témoignage biblique. Alors, to be or not to be, pourquoi lire la Bible ? Notre modeste intention a été essayer de vous sensibiliser pour vous donner envie de tutoyer ou d'aller à la rencontre de ce souffle de vie dont viennent de parler François et Alain. Alors, il n'y a pas d'incitation, ce livre est disponible à la table là-bas. Nos deux auteurs s'y trouveront aussi pour échanger et pour vous dédicacer le livre. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et ce qui est curieux, c'est que personne n'a posé la question sur le titre. Donc vous ne saurez pas pourquoi. Nous avons donc on vous le dira pas. Merci.